Elle est à toi, cette chanson. Toi, le rebeu, qui, sans façon, a quitté les gens de l'UMP, qui te marchaient trop sur les pieds. Toi, qui as subi hors-de-feu quand, militantes et militants de ce clan mal intentionné, t'avaient bien ricané au nez. Ils t'avaient traité d'Auvergnat, ce n'est pas une insulte encore, mais dans ton âme résonnent encore ces mots qui volaient plus que bas. Elle est à toi, cette chanson, toi le rebeu qui, sans manière, t'es vu traité comme serpillière par le ministre de l'immigration. Ils n'avaient pas de quoi être fiers, mais ils ont tenu dur comme fer, et c'est bien ça qui t'a pas plu. Dieu sait qu'on ne te le fera plus. Le parquet trouva ça normal, c'est une forme d'humour banal. Si ma chanson n'est pas du rap, elle n'en soutient pas moins M-Rap.